Était-ce le moment d'adoucir la chute proprement dans l'instant? Tes cours s'effrénaient, se suspend. Tes armes n'ont plus les mots. Tes armes n'ont plus les mots. Trop de serre dans ton arrogance intempestive.